Audiomatique. C'est en compagnie de la formation britannique Boards of Canada que nous entamions ensemble cette transmission 174 d'Audiomatique du mini-album Trans-Canada Highway paru en 2006. Nous écoutions la pièce Dave and Cowboy. Audiomatique, c'est une émission d'une heure consacrée à la musique comportant des éléments électroniques et animée par les électronistes. Vous pouvez nous joindre pour peu importe la raison à l'adresse audiomatique@gmail.com. La programmation musicale de cette transmission 174 s'enchaîne avec l'artiste allemande Ella Fratz, mieux connue en tant que Ellen Alien. Upside down, ring-a-ding-a-dinner bell loud. Sing-o. We got this one. On vient tout juste d'entendre à Audiomatic le groupe américain Tune Yards mené par Meryl Garbus avec la chanson Cinco de son album Nicky Knack. Précédemment, il s'agissait du projet britannique Bat for Lashes incarné par Natasha Khan, de qui on entendait Sarah de son premier album Fur and Gold. Et Ellen Alien amorçait la séquence avec Washing Machine is Speaking, tiré de l'album Thrills, lancé en 2005. Audiomatic se poursuit sur la musique électro-jazz de DJ Crush. dead gravity. Few and far between. The pain leaks from the drips in the ceiling. Filling the buckets overflowing with self-pity. What was I to ponder why? Reasons are led hand in hand by the smoke of her cigarette, imparting ways like strokes in her hair, gentle against her cheek. Gentle against her cheek, strokes of her hair, imparting ways like the smoke of her cigarette. Reasons are led astray hand in hand by what was I to ponder why? Overflowing self-pity. Filling the buckets from the drips in the ceiling. The pain leaks few and far between. And the at poem, this started I. Most events of sequence with the began. Discourse to the relevant. Love was there first. Entanglement as itself reconfigured. Soon which love. Folly sad, the into turned, turn in. Which entrapment, face we win. Any more here, live, don't love. Irrelevant is, was that love thee so. Cette séquence musicale se concluait avec une collaboration entre le pianiste jazz Matthew Shipp et le groupe Anti-Pop Consortium. La pièce Monstro City que nous avons entendue se trouve sur l'album qui s'intitule tout simplement Anti-Pop vs. Matthew Shipp. Avant cela, c'était le Péruvien Alvaro Ernesto avec son projet Tribulin Sound de qui nous écoutions la pièce-titre de son album Barancor. Et pour débuter, c'était l'artiste japonais Ishii Hideaki, connu sous le pseudonyme de DJ Crush, et sa pièce Edge of Blue, qu'on retrouve sur la compilation This is Acid Jazz After Hours, parue sur Instinct Records en 1994. Toujours et encore Audiomatique, qui avec cette fois le groupe danois The Ravenettes. Thank you. forget, forgive. Give and get, but the fun is in the wanting. The lows and highs, pleasure, pain, keep us coming back again. And we wouldn't have it any other way. Cause when we fight, it's alright. We just do it all night till it makes no difference at all. It's in the dark, we see the spark. So dim the lights and let's hit reset. Flight. We win it when we tie. Two wrongs make it right. Bring it on, cloud, baby. We fight. It's alright. We just do it all night till it makes no difference at all. It's in the dark. We see the spark. So dim the lights. Cause when we fight, it's alright. This is me. This is Susan Pinsker. I love you, Mommy. Nous mettions un terme à ce segment musical à Audiomatique avec l'artiste californien Josh Davis, ou si vous préférez, DJ Shadow, et sa composition Giving Up the Ghost de son deuxième album The Private Press. Ce qui précédait DJ Shadow, c'était le groupe vancouverois Hollow Love, qui est en fait un nouveau projet formé de Keith Gillard et Ryan Slemko, deux membres de la formation Fidgetal. Nous vous présentions la chanson Reset que vous pouvez télécharger en échange d'une contribution qui est laissée à votre discrétion sur leur profil hollowlove.bandcamp.com, le hollowlove.bandcamp.com. Et en amorce de séquence, il s'agissait du duo danois de Ravenettes, composé de Soon Rossé Wagner et la charmante Sharon Fu. Il nous interprétait la chanson You Say You Lie, extraite de l'album Pretty in Black. La transmission 174 d'Audiomatique se terminera sur une combinaison de deux pièces du compositeur de free jazz bien connu, Sun Ra. Les pièces que nous allons entendre, soit Astro Black et Unknown Kuhutek, furent enregistrées en concert en 1973, à une époque où Sun Ra expérimentait avec le synthétiseur Moog tout en gardant une perspective et une esthétique free jazz. La performance de laquelle sont tirées les pièces que nous allons entendre a été publiée sur l'album qui s'intitule Concert for the Comet Kuhutek. Et notez par ailleurs que sur cet album, ces deux pièces ne se suivent pas et que leur juxtaposition est l'œuvre des électronistes. Les électronistes ont déjà envie de vous retrouver mercredi prochain à compter de 17h pour la transmission 175 d'Audiomatique. Nous sommes présents un peu partout sur Internet, mais particulièrement au facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici donc Sun Ra avec les pièces combinées Astro Black et Unknown Kuhutek. Bonne écoute et à mercredi prochain. C'était Audiomatique avec les électronistes. Astro Black Mythology, Astro Timeless Immortality, Astro thought in mystic sound, Astro black of outer space, Astro natural darkness dark, Astro reach beyond the stars, out to endless endlessness, Astro black Americans, the universe is in my voice. The universe speaks through this song to those of Earth and other worlds. Listen while you have the chance. Find your place among the stars. Get in tune with outer worlds. Rhythm, multiplicities, harmony, equational melody, horizons beam, astro black and cosmos dark, astro black and cosmos dark, astro black and cosmos dark. Thank you.